plutôt pénible. Voilà. À la vérité, ceci est plutôt le témoignage d'un échec. Savoir que je me suis épuisé enfin, pendant 48 heures. Pendant 48 heures à faire ce que j'appellerais, contrairement à ce qu'il en est de la tresse, je me suis épuisé pendant 48 heures à faire ce que j'appellerais une quatresse. Voilà. La tresse est au principe du nœud borroméen. C'est à savoir qu'au bout de 6 fois, on trouve qui constitue le nœud borroméen. Si vous en avez, si vous procédez 12 fois, vous avez de même un autre nœud borroméen. Chose curieuse, cet autre nœud borroméen n'est pas visualisé immédiatement. J'avais pas d'autres gros crayons. Bon. Il a pourtant ce caractère que, contrairement au premier nœud borroméen, dont découle le nœud borroméen. C'est en fonction de cette opération que le nœud borroméen tient. De même, dans une opération à quatre, représente celui à 12 croisements. Que penser de cette tresse? Cette tresse peut être dans l'espace. Il n'y a aucune raison, en tout cas au niveau de la quatresse, que nous ne puissions la supposer entièrement suspendue. La tresse, pourtant, est visualisable pour autant qu'elle est mise à plat. J'ai pensé une autre époque, celle qui était prétendument réservée aux vacances, à m'épuiser de même, à essayer de mettre en fonction un autre type de nœud borroméen. C'est à savoir celui qui se serait fait obligatoirement dans l'espace, puisque ce dont je partais, ça n'était pas le cercle, vous le voyez là, c'est-à-dire de quelque chose qu'on met d'habitude à plat, mais de ce qu'on appelle un tétraèdre. Un tétraèdre, ça se dessine comme ça. Grâce à ça, il y a 1, 2, 3, 5, 6 arêtes. Je dois dire que les préjugés que j'avais, car il s'agit de rien de moins, m'ont poussé à opérer avec les quatre faces, et non pas avec les six arêtes, et qu'avec les quatre faces, c'est tout à fait difficile. C'est impossible de faire un tressage. Il y faut les six arêtes. Pour faire un tressage correct et j'aimerais que ces boules je les vois venir. Le fait est que vous y constaterez que le tressage, non pas à 6, mais à 12, est tout à fait fondamental. Je veux dire que ce qui se produit c'est qu'on ne saurait mettre en exercice ce tressage des tétraèdres sans partir puisque de tétraèdre, il n'y en a que 3, sans partir de la tresse. C'est un fait qui m'a été découvert sur le tard et dont vous verrez ici, pour peu que je vous passe ces boules, dont je le répète, j'aimerais les voir revenir, parce que je ne les ai pas, loin de là, pleinement élucidées. Je vais donc, comme je fais d'habitude, ça marche encore? Ça ne marche pas, bien sûr. Quoi? Comment? Ça marche ou pas? Hein? On entend? J'aimerais les voir revenir toutes les quatre. J'aimerais les voir revenir toutes les quatre. En effet, elles ne sont pas semblables. Il y en a quatre. Ce n'est pas sans raison. C'est une raison que je n'ai pas même encore maîtrisée. Il est préférable, quoique bien entendu ça prendrait trop de temps, il serait préférable que d'une de ces boules à l'autre, on les compare. Car elles sont effectivement différentes. J'aimerais que de cette presse à trois, qui est basale dans l'opération de ces nœuds borroméens tétraédriques, auxquels, je vous le répète, je me suis attaché sans y parvenir complètement. J'aimerais que vous tiriez une conclusion. C'est que même pour les tétraèdres en question, on procède aussi par ce que j'appellerais une mise à plat, pour que ce soit clair. Il faut la mise à plat dans l'occasion sphérique pour qu'on touche du doigt, si je puis dire, que les croisements en question, les croisements tétraédriques, sont bien du même ordre, c'est à savoir que le tétraèdre qui est en dessous, le troisième tétraèdre, passe en dessous et que le tétraèdre qui est en dessus, le troisième tétraèdre, passe en dessus. C'est bien à cause de ça, c'est bien à cause de ça que nous en sommes là encore au nœud borroméen. Ce qu'il y a de fâcheux pourtant, c'est que même dans l'espace, même à partir d'un présupposé spatial, nous soyons contraints aussi dans ce cas-là à supporter, puisqu'en fin de compte, c'est nous qui supportons, à supporter la mise à plat. Même à partir d'un présupposé spatial, nous sommes forcés de supporter cette mise à plat. Très précisément sous la forme de quelque chose qui se présente comme une sphère. Mais qu'est-ce à dire, si ce n'est que même quand nous manipulons l'espace, nous n'avons jamais vu que sur des surfaces, sans doute qui ne sont pas des surfaces banales, puisque nous les articulons comme mises à plat. À partir de ce moment, il est sur les boules que je viens de vous distribuer et que j'aimerais voir revenir. Il est sur les boules manifestes que la tresse fondamentale, celle qui s'entrecroise 12 fois, il est manifeste que cette tresse fondamentale fait partie d'un tore. Exactement ce tore que nous pouvons matérialiser au niveau de ceci. À savoir de la tresse à 12, et que nous pourrions d'ailleurs aussi bien matérialiser au niveau de ceci, c'est-à-dire de la tresse à 6. À la vérité, cette fonction du tore est tout à fait manifeste au niveau des boules que je viens de vous remettre, parce que il n'est pas moins vrai qu'entre les deux petit triangle, si nous faisons, je vous prie de considérer ces boules, si nous faisons passer un fil polaire, nous aurons exactement de la même façon un tore. Car il suffit de faire un trou au niveau de ces deux petits triangles pour constituer du même coup un tore. C'est bien en quoi la situation est homogène dans le cas est homogène entre ce nœud borroméen et le tétraèdre. Il y a donc quelque chose qui fait qu'il n'est pas moins vrai pour un tétraèdre que la fonction du tore y règle ce qu'il y a de nodal dans le nœud borroméen. C'est un fait. C'est un fait qui n'a strictement jamais été aperçu. C'est à savoir que tout ce qui concerne le nœud borroméen ne s'articule que d'être torique. Un tore se caractérise tout à fait spécifiquement d'être un trou. Ce qu'il y a de fâcheux, c'est que le trou, c'est très difficile à définir. C'est que le nœud du trou, avec sa mise à plat, est essentiel. C'est le seul principe de leur comptage. Et qu'il n'y a qu'une seule façon, jusqu'à présent, en mathématiques, de compter les trous, c'est de passer par, c'est-à-dire de faire un trajet tel que les trous soient comptés. C'est ce qu'on appelle le groupe fondamental. C'est bien en quoi la mathématique ne maîtrise pas pleinement ce dont il s'agit. Combien de trous y a-t-il dans un nœud borroméen? C'est bien ce qui problématique, puisque vous le voyez, mis à plat, il y en a quatre. Il y en a quatre, c'est-à-dire que qu'il n'y en a pas moins que dans le tétraèdre, qui a quatre faces dans lesquelles chacune on peut faire un trou. À ceci près, qu'on peut faire deux trous, voire trois, voire quatre, en faisant un trou dans chacune des faces, et que dans ce cas-là, chaque face se combinant avec toutes les autres et pouvant même repasser par soi, nous voyons mal comment compter ces trajets qui seraient constituants de ce qu'on appelle le groupe fondamental. Nous en sommes donc réduits. La constance de chacun de ces trous qui, de ce fait, s'évanouit d'une façon tout à fait sensible, puisque un trou ce n'est pas grand chose. Comment dès lors distinguer ce qui fait trou et ce qui ne fait pas trou? Peut-être la quatresse peut nous aider à le saisir. Il s'agit en effet dans la quatresse de quelque chose qui solidarise ce qui se trouve, ce dont il se trouve que j'ai qualifié trois cercles. À savoir que, comme vous le voyez dans ce premier dessin, ces trois cercles forment nœud borroméen. Forme nœud borroméen, non pas que les trois premiers fassent nœud borroméen, puisque, comme c'est impliqué dans le fait que la quatrième libérée, si je puis dire, le quatrième élément libéré doit laisser chacun des trois libre. La quatrice lit pourtant à partir de celui qui est le plus en dessous, à condition de passer par-dessus celui qui est le plus en dessous, il se trouvera à passer sur celui qui, dans la mise à plat, est intermédiaire à passer dessous. Il se trouvera lié les trois. C'est bien en effet ce dont nous voyons qui se passe. Avez-vous un petit peu? Thank you. pas savoir. Équivalent. À ceci, je pense que il s'agit d'une représentation. Le symbolique dans l'occasion étant très précisément ce qu'il nous faut penser comme étant le signifiant. Qu'est-ce à dire? C'est que le signifié dans l'occasion est un symptôme le corps, à savoir l'imaginaire, étant distinct du signifié. Cette façon de faire la chaîne nous interroge sur ceci, c'est que le réel, savoir ceci dans l'occasion, ici marqué là, c'est que le réel serait suspendu tout spécialement au corps. Ce qui résulterait à savoir que cette X, qui est là, cette place, s'ouvrirait et que sont produits de la façon la plus futile que comme appendice, si je puis dire, de la vie, autrement dit, de ce que, sur quoi Freud spécule quand il parle du germen. Nous trouvons là, autour de la fonction parlante, quelque chose qui, si l'on peut dire, isole l'homme dont il faudrait à ce moment-là marquer que ce n'est qu'en fonction de ceci qu'il n'y a pas de rapport sexuel, que si je puis dire, il suppléerait. C'est un fait. Que le blabla meuble ce qui se distingue de ceci qu'il n'y a pas de rapport. Oui. Que le réel thank you. Ça expliquerait que l'imaginaire ici tracé en rouge effectivement se reploie dans le symbolique. Thank you. mais que... il en est d'autre part. Étranger, comment témoigne le fait qu'il n'y a que l'homme à parler. Est dessiné en vert. Oui. J'aimerais que quelqu'un m'interpelle à propos de ce que j'ai aujourd'hui pour vous péniblement essayé de formuler. N'est pas facile à exprimer. Je pense que pour ce qui est de cette presse à quatre, reproduire très exactement ce qui est ici, à savoir que c'est une façon de la représenter comme trace dont il s'agit. Si je n'y ai pas effectivement réussi d'emblée, c'est parce que faut pas croire que ce soit aisé de faire une tresse à quatre. Il faut partir d'un point qui sectionne les entrecroisements d'une façon appropriée. Et ce que les choses soient telles que partir d'un de ces points, on ne trouve pas moyen de faire la presse. C'est bien à ça que je me suis si longuement attardé, que il en est résulté plus que un dommage pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si donc quelqu'un veut bien me donner la réplique, à savoir m'interroger sur ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, j'en serai reconnaissant. Oui. Je voulais vous demander, parce que vous avez dit le présupposé espace, et je n'ai jamais très bien compris, et je l'avoue humblement devant cette loi de l'Assemblée, que vous disiez existe ou assiste, j'ai le droit d'avoir mes faiblesses, mais pourquoi ne pourriez-vous pas dire le père espace? Oui. Je me demande, et puis vous avez dit le présupposé tétraèdre qui est à trois. Et dans l'espace, votre presse, je ne suis pas au cirque, je le sais bien, puisque nous parlons de sphère, avec des balles que vous avez envoyées qui sont si différentes, on peut la presser. Un peu. On peut la presser sur l'île pour. On peut faire la presse dans l'espace comme une étendeur. Oui. C'est ce que vous avez dit, c'est difficile à plat. Vous l'avez avoué vous-même. Personne ne vous l'a dit. Oui. Oui, c'est vrai. Non, mais je vous demande. Bien. Qu'est-ce qu'il y a, quelqu'un d'autre a une question à poser? Vous, cher. Vous. Il a dit que l'homme était le seul à parler. Il a dit. Non, il n'est pas le seul à vivre. Il a dit une phrase qu'il n'a jamais dit. Le seul être qui parle, c'est l'homme. Il est. C'est sa réponse. Oui. Je le regrette. Moi, j'écoute. Il n'est pas le. Il n'est certainement pas le seul à vivre. Hein? Comment? M'entendez pas parce que justement je n'ai pas le micro. La technique est faite ainsi, il y a des micros. Pourquoi ne vous en servez-vous pas? Et que c'est pour donner plus de valeur à ce que vous dites? Certainement ce qu'il dit, pas. C'est la valeur. Certainement pas. Certainement pas. Je m'excuse d'avoir dû aller au tableau plus d'une fois.